Restez calme. Tout va très bien se passer. L'être humain, improbable mécanique lancé dans une quête perpétuelle au cœur des labyrinthes psychiques, où les neurones s'entrechoquent et où Toumaï répond à Aristote. Au fin fond de l'univers, quand il n'y a plus aucune solution, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique. And what's new, Pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature. Elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Ça craque, boum, hu ? Ouais, faut voir. Ma nuit fut agitée comme un Nasdaq à New York. Ou pire, comme un Nasbrock à Pessac. Enfin, passons. Quel est notre patient ce matin, professeur Mauduit ? Stephen Byrne, dossier Epsilon 004. C'est qui celui-là ? Eh ben, Stéphane Byrne, vous savez, professeur Colin, Stéphane Byrne, le Robespierre du Gotha. Vous poursuivez dans la taquinerie, professeur Mauduit. Dites-moi plutôt, comment se présente son fichu dossier ? Oh là, très engoncé dans l'étiquette. À mon avis, il va falloir y aller à grands coups de pompe dans l'océan. En gros, il est complètement siphonné et c'est bien pour ça qu'il est là. Bon, nous allons voir ça. Faites entrer le patient, professeur Mauduit. Stéphane Byrne, vous êtes attendu au Lavo Studio 61. Stéphane, à table. Bonjour, monsieur Byrne. Bonjour, professeur Colin. Bonjour, professeur Mauduit. Comment vous sentez-vous ce matin, monsieur Byrne ? Ah, j'étais bien avant d'arriver. Eh bien, nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Dès qu'on voit une blouse blanche, moi, je panique. Eh bien, sachez, monsieur Byrne, que le ministère psychique considère que vous pourriez être dangereux pour la société. Oui, ça, vous êtes dans le collimateur de notre gouvernement et nous sommes ici pour trifouiller votre inconscient. D'ailleurs, le professeur Mauduit va nous exposer dès à présent ce qui nous tracasse chez vous. Eh oui, oui, Stéphane Byrne, votre comportement nous fait penser que vous êtes atteint, primo, d'un syndrome raspoutinite aigu. Secondo, d'un mimétisme aristo-masochiste fleur-de-lysée. Et enfin, vous êtes sans doute un fétichiste tendance baise-mimine et lèche-bobotte. Et franchement, ça fout la trouille. Oui, et pour analyser votre santé psychique, monsieur Byrne, et afin de répondre aux exigences de notre gouvernement, nous commencerons par dresser votre portrait psychologique. Ensuite, nous vous ferons subir une petite série de tests sadiques. Et enfin, vous n'échapperez pas à nos conclusions impartiales sur votre architecture mentale afin d'établir, bien entendu, une petite prescription non négociable. Et le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre séance, afin de vous préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien montez le son, monsieur Byrne. Soyez le bienvenu, c'est la panique et faites connaissance avec ce ténor retors du ministère psychique. Well, the south side of Chicago, it's the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy, more than trouble, he stood about 6'4". All the downtown ladies call him treetop lover. All the studs, they call him sir. And he's bad, bad, Leroy Brown. Now Leroy, he a gambler, and he liked his fancy clothes. He liked to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He got a custom Continental, he got an Eldorado too. He got a .32 gun in his pocket for fun. He got a razor in his shoe. Yeah, he's bad, bad, Leroy Brown. Man in the whole damn town. Leroy shooting dice. And at the edge of the bar sat a lady named Doris, and she sure looked nice. Well, he laid his eyes upon her, and the trouble soon began. And Leroy Brown, he learned a lesson about messing with the wife of a jealous man. Yeah, he's bad, bad, bad Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Badder than old King Kong, and meaner than a junkyard dog. He's bad, woo, he's bad Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Badder than old King Kong, meaner than a junkyard dog. Yeah, he's badder than old King Kong, badder than a junkyard dog. Bad Bad Leroy Brown, c'était Frank Sinatra, le soi-disant parrain de Stéphanie de Monaco. Bien, je suis atteint de d'agoraphobie et de claustrophobie, ce qui s'arrange mal. Avant tout, le ministère psychique compatit devant les souffrances psychotiques du vénérable monsieur Jean Cocteau. Névroses introductives à notre séance du jour consacrée ce matin au dossier psychologique de M. Stéphane Bern. Alors, voyez-vous, M. Bern, justement, le ministère psychique se penche ce matin sur votre angoissant dossier et ouvrons notre analyse par votre inquiétante propension déclarée pour les affaires princières et monarchiques, fût-elle d'opérette, Stéphane. Oh, c'est ainsi, pas de l'opérette, Monaco, vous rigolez. Nous y reviendrons, mais non, tout c'est de pas même. De l'opérette. Tout mais de non, même, mais non. Tout de même de l'opérette. Ainsi, non. Que dire de vous ? Vous n'ignorez point, Monsieur Bern, que l'excentrique mais modeste Moujik, que fut Raspoutine, a su séduire la dynastie russe des Romanov grâce à ses soi-disant pouvoirs thaumaturges. En effet, le jeune tsarevitch Alexis souffrait d'hémophilie, et seul ce gros escroc de Raspoutine parvenait à le soulager en lui appliquant ses mains sur le corps. Résultat, bien sûr, Raspoutine devint très vite le protégé de la famille impériale. Et voyez-vous, Monsieur Bern, nous sommes dubitatifs, car, jeune homme, vous aussi, vous avez su séduire votre tsar. Le comte n'est pas bon. Le comte de Paris, l'héritier des 43, qui en 1000 ans firent la France, a carrément renié son fils aîné, le prince Henri de France. Selon le comte de Paris, son rejeton Henri n'eut point dû rompre ses épousailles avec sa première femme, et encore moins se remarier civilement avec une autre. Le comte de Paris, âgé de 78 ans, souligne qu'un tel comportement, inadmissible pour un prince de France, rompt avec les us et coutumes de la maison royale. En conséquence de quoi, le sieur Henri n'est plus une huile. Bon. Ça remonte à 87. 87. Mais alors, c'est sûr que le comte de Paris, là, c'est un peu plus ringard que le tsar Nicolas II. Ah oh bah mais... non, bah non, il avait moins de pouvoir, et puis... Pas le oh, pouvoir c'est moins, c'est un peu plus ringard. Mais Raspoutine, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas posé les mains, hein. Il a juste interdit l'aspirine. Oui, alors ça, effectivement, ça, on le sait depuis. Depuis, oui. Il a poussé l'aspirine de la table voilà. Avec ses mains, du coup, tout le monde... Et du coup, dit, voilà, ça fluidifiait moins le sang, et l'autre, il risquait moins de mourir d'hémophilie, voilà. Mais ouais. Alors, dites-moi... Avez-vous été le Raspoutine du comte de Paris, canaille ? Mais non, enfin, j'aurais adoré, c'est un pouvoir énorme qu'on me prête. Vous savez, docteur, j'ai pas fait grand-chose, moi. Mais expliquez-nous un peu, comment on devient l'intime du comte de Paris ? Parce que c'est intriguant. Quand j'ai 17 ans, j'étais pas trotskiste, j'étais royaliste, enfin royaliste ah oui. De gauche. Hein. Ça veut dire quoi exactement ? J'étais mouvance Bertrand Renouvin, les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent peut-être pas. C'est ce qu'on appelait, selon la devise de Proudhon, qui disait « La monarchie, c'est l'anarchie plus un ». C'est-à-dire, tout le monde est à égalité, mais il y a le roi qui couronne la démocratie. Donc, je croyais à ça quand j'avais 15 ans. Ça, c'est des affiches, il paraît que vous avez collées sur les... Oui, avec un roi couronnant la démocratie. Absolument. C'est du propre. C'est du propre. C'est moins dangereux que de faire sauter des voitures ou de s'attaquer aux vieilles dames. Oui, vous avez une tête à vous être attaqué aux vieilles dames. Ah ben, non, mais arrêtez, enfin. Non, je vous assure. Et alors, l'autre docteur, il est encore plus inquiétant. Moi, je vous regarde, Stéphane. Regardez-moi. Je note. Alors, vous avez donc été un intime du comte de Paris. Oui, pas au point de voir la royale chose. Ah, d'accord. Mais découvrons ensemble justement cet enregistrement d'une scène de vie quotidienne entre Son Altesse, l'hypothétique Henri VI, et sa dernière concubine. T'es pas lavé aujourd'hui ou quoi ? Pourquoi ? T'as pu ? Ah bon ? Ouais. Ton poulet, non ? Tu crois pas ? Non, mon poulet est très bon, mon poulet. Désolé, c'est ton poulet. Tu fais très bien la cuisine, moi, toi. D'accord. Mais toi, tu pues. En rêve, tu l'as fait, hein, bien. Facile. Tu pues la sueur. Je bosse, moi. Tu pues le vomi un peu aussi, je trouve. Non, mais j'ai eu ça comme ça, ça fait 15 ans, je te suis pas. Ouais, ça y est, c'est bon, ça. Eh, ta gueule, eh. Dis donc, tu regardes dans un miroir, des fois. Putain, t'as de qui t'as vu que tu ressemblais à un gorille? T'as jamais remarqué que tu ressemblais à un gorille? Eh oh! Oh! Ouais. Tu parles autrement. Ok? Bon, alors cela dit, bon. On n'est pas loin de la vérité, mais dans le sens inverse. Parce que le comte de Paris, je vais vous dire une chose, c'était un homme extrêmement séduisant, extrêmement bien élevé, c'était un grand seigneur. Et elle, qui vit toujours, donc je ne peux pas vous donner son nom, même si vous le connaissez, c'est vraiment une harpie. Si vous voulez, elle lisait Minute et Minquet, elle se parfumait avec du muguet. Elle était la vulgarité incarnée. Et alors, toujours après le déjeuner, et moi j'allais déjeuner avec eux à Chantilly, et le menu s'affichait sur son corsage, vous voyez, ouais. C'est-à-dire qu'elle s'en mettait partout. Elle n'a pas le sang bleu, elle. Hein. Ah ben non, mais elle avait le corsage, si vous voulez. Et elle lui disait, chaque fois qu'on prenait le café, elle ne pouvait pas s'empêcher de faire cette vanne que je trouve pathétique et ridicule, elle disait, la pince, monseigneur, la pince, pour prendre le sucre. Et ça me fait rire encore aujourd'hui, mais elle le sent tous les jours. C'était insupportable. C'était une bêtise. Poursuivons, monsieur Bern. Vous n'ignorez point non plus qu'en août 1789, le 4 précisément, et là, je te sens fébrile, canaille, oui. Cette nuit-là, en effet... L'abolition des privilèges. Eh oui, vos amis ont dérouillé ces verres. Hein, ou attendez, pour arriver à quoi? À que vos amis d'aujourd'hui ou ceux d'hier se pavanent dans des Mercedes blindées, des voitures. Tous les dictateurs de la Terre sont reçus le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Alors franchement, où sont les privilèges aujourd'hui? C'est plus les mêmes, je suis d'accord. On les a pas abolis. On les a abolis pour la noblesse. Pour la noblesse. Mais pas pour autres. Les autres n'ont eu que de cesse que de récupérer les privilèges de la noblesse. Et à voilà, la maintenant. Différence la noblesse quand même, d'aujourd'hui, c'est l'énarchie. C'est... À la petite différence, même que. Malgré tout, aujourd'hui, a priori, chacun a sa chance. Oui, bien sûr. C'est un peu différent, tout de même. De ce point de vue-là, c'est assez vrai. Qui a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789? Louis. Ah, oh, mais il n'a pas trop le choix. Comme il n'a pas eu le choix, il était obligé de demander. Il y a des choses qu'il a refusé de signer. Hein. Ah oui, mais il a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Mm. Non, mais moi, je note très bien votre orientation complètement marxisante qui note que la bourgeoisie a privé le peuple de la révolution. Merci, professeur Mauduit. Attendez, professeur Mauduit, il ne faut pas déconner non plus. Mais oh. Relisez Mona Ouzouf, relisez les Furet sur la révolution. La révolution a été confisquée par la bourgeoisie. Le peuple n'a jamais demandé la tête du roi. Ça a été manipulé. Le peuple était loyal, point. En tout cas... Et il va se calmer, hein. Il va se calmer, c'est lui le patient. Camisole de force. Il va se calmer, hein. Enfin, toujours est-il, monsieur Bern, que visiblement, depuis cette abolition des privilèges, enfin, vous moi, j'en ai survivez... aucun. Arrêtez, hein. Moi, je vais vous couper la tête. Arrêtez, hein. Ah bien, alors, allons-y. N'empêche que depuis, monsieur Bern, oui. Vous survivez entre l'illusion... Et la chienlit. Télévision 20h dispétante est à l'extérieur pendant une semaine et... Oui, pauvre deux, je suis en direct du Festival de Cannes avec comme invité vedette Robert De Niro. Stéphane, alors actuellement, que... c'est la montée des marches, un moment émouvant, beaucoup de stars. Non, Stéphane, vous êtes à Bourges, sur le parking de l'église. Je veux rentrer. Je vous en supplie, il y a que des dingues ici. Mais Stéphane, il est très bien ce festival. Oui, il est bien quand on le voit de Paris. Mais venez sur place, vous verrez. Hier soir, ils m'ont fait boire du Malibu dans des gobelets en plastique. Il y a des gens qui mettent du pâté dans du pain. C'est horrible. Mais c'est rien, ce sont des sandwichs, Stéphane. Ne paniquez pas. Je veux rentrer. Je serai plus utile à Paris. Je vous préviens tout de suite, pauvre deux. Si vous ne me faites pas rapatrier, demain, je présente l'émission en blue jean. Vous êtes en blue jean ce matin, Stéphane Bern. Je suis toujours en blue jean. Toujours. Alors, dites-nous, monsieur Bern, certes, vous revendiquez l'étiquette de fou du roi, mais n'êtes-vous pas plutôt le cardinal Mazarin, canaille? Oh non. Arrêtez. Pas assez intelligent pour ça. Oh, mais là, vous êtes très Mazarin, par exemple, vous voyez. Vous connaissez ce livre qui s'appelle Le Bréviaire des politiciens? Oui, bien sûr. Livre magnifique. Et vous me répondez oui, bien sûr. Mais pas non, je ne sais pas ce que c'est. Mazarin, vous aurez recommandé de dire non. Mais vous connaissez ce Bien livre. Sûr. Ah oui. Vous en pensez quoi? Écoutez, en tout cas, il y a une bonne analyse de comment on doit se comporter avec les princes. Et donc, vous êtes inspiré un peu de ces non, écrits. Non, je ne suis pas inspiré, mais c'est vrai que je l'ai lu comme ça, hein, parce que je m'intéresse à l'histoire. Ah, je suis tombé dessus, comme ça. Non, parce que je m'intéresse, évidemment, à tout ce qui est historique. Dites-moi, Monsieur Bern, regardez-moi dans les yeux. Oui. Qui a prononcé ceci pour la première fois, Monsieur Bern ? On y soit qui mal y pense. C'est le roi d'Angleterre, je crois que c'est Édouard III à peu près, au moment où la marquise de Salisbury, quand elle a fait tomber sa jarretière, et évidemment il a ramassé la jarretière et il l'a mise à son bras. Il a dit « Je porterai cette jarretière si haut que tous les nobles de mon royaume rêveront de la voir, de la posséder ». Et c'est comme ça qu'est né l'or de la jarretière. Et voilà. Vous êtes très fort, et il a ajouté « Oni soit qui mal y pense ». Et la faute d'orthographe, parce que « Oni oui. » à un seul N, date de 7 siècles d'histoire. Alors, maintenant, complétez ceci. Comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté. La suite ? Je ne sais pas, c'est la seule phrase de la chanson « Ouragan » de Stéphanie de Monaco que je connaisse. Celle que je viens de citer, là ? Oui. Eh ben voilà. Comme un ouragan. Ouais. Et le reste, rien. Hein ? Non. Oh là, le petit monde. Attention, hein, culture populaire, mépris. Hein. Ah non. Gaffe. Ah bah non. Tout de suite. Ah non, hein. Ah non. Ah non, c'est moi qui ai acheté tous les disques. Eh bien, bien sûr. Mais bon, c'est vrai, Stéphane, que l'aristocratie européenne a beaucoup souffert ces derniers temps de son indigence, n'est-ce pas ? Oh. Écoutez, si l'histoire nous appelle, nous ne nous déroberons point. Après tout, n'avons-nous pas survécu à Clotilde Courau, Stéphanie de Monaco ? Enfin, je ne vois pas vraiment pourquoi nous ne pourrions pas affronter le travail. Voilà. Alors, Monsieur Bern, tout fout le camp, n'est-ce pas ? Non. Arrêtez, Stéphanie de Monaco, Clotilde Courau. Non, Stéphanie de Monaco est une femme tout à fait charmante qui fait des choses très utiles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Clotilde Courau, moins. Elle fait quoi à Monaco, Stéphanie de Monaco, que vous trouvez utile ? Elle a monté une fondation qui s'appelle Fight AIDS Monaco, qui lutte contre. Oui. Qui aide les malades qui ont le sida. Ok, un point pour vous, professeur Mauduit. Et la famille de Savoie, vous en pensez quoi ? Ils sont graves quand même, hein, entre... Irrécupérables. Irrécupérables. Oui. Vous savez, il y a les monarchies qui restent en poste, j'allais dire, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils font un boulot, ils rendent un service. À partir du moment où des familles ne rendent plus un service à la nation, on s'en sépare. Mais c'est comme des choses inutiles, on ne les garde pas. C'est le cas de la famille royale d'Italie. Voilà, elle n'est plus au pouvoir, mais elle ne l'a pas volée, d'une certaine manière. Quant à Victor Emmanuel, son fils, voilà, je trouve leur comportement assez décevant. Mais en même temps... Et sinon, vous le connaissez, le mari de Caroline, là ? Comment il s'appelle ? Ernst Auguste de Hanovre. Ah, il est bon, lui. Ah, c'est vrai ? Je l'aime beaucoup. Avec grosse soirée avec lui. Il doit se marrer et tout ça. Oui. Et toi, ah, oui, on doit se marrer. Hein. On se marre bien. On casse les chambres d'hôtel et tout. Non, hein. Non, parce que non, ça se fait chez lui ou... Ah, on casse non, tout on chez casse lui. Rien. Arrêtez, il s'est fait choper là, en Afrique il y a un an ou deux, avoir tout fracassé. Non, c'est pas une histoire comme ça. Non. Si, ah, si, me dis pas non. Il y a un type qui lui a mal parlé. Ah. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il est un peu sanguin. Ah oui. C'est un garçon un peu sanguin. Ah ouais. Et sa femme, j'ai eu beaucoup d'admiration pour son épouse. Allez, hop. Un coup de lèche-botte quand même. Bien sûr, il faut bien. Vous savez, qu'on crache ou qu'on lèche, il faut que ça brille. Alors, poursuivons notre analyse psychologique, Monsieur Bern. Comme chacun sait, l'aristo est une grosse feignasse, puisqu'il est vautré dans son château de province à mater les cerfs qui taffent pour lui. Mais il est complètement... vous arrêtez, maintenant c'est moi qui parle. Où sont vous les infirmières là, vous arrêtez. Qui non mais attendez. Remarquez je vous arrête juste un truc. Mais vous rendez compte qu'ils pourraient vendre leurs vieilles pierres, s'acheter un appartement comme la plupart des gens rêvent, n'importe sur la Côte d'Azur ou n'importe où. Au lieu de ça, ils se font chier dans un château... où il n'y a pas de chauffage, ils vivent comme des pécots. Non mais attendez, mais arrêtez de les prendre pour des riches, les pauvres aristos. Il faut créer une fondation pour eux, vite fait. Hein. Professeur Maudy. Il n'y a plus qu'à monter un aristoton. Le fameux aristoton. L'aristoton. Envoie tes dons pour sauver l'aristoton. Et je veux bien le présenter. Génial. Ah ben, au moins, justement, ça fera une soirée de service public, au moins, à la rentrée française. Parlons de ces soirées. Puisque justement, vous taffez, vous, Stéphane. Vous taffez, vous êtes un accro du boulot. Oui. Jamais très éloigné du sang bleu, hein, non plus. Oh, quand même. Oh, par exemple, vous êtes à France Inter, ça y est. Vous êtes le maître de cérémonie du bal des débutantes. Oui. Et chaque année, dans les salons du Crillon, c'est la grosse déconne. Hein. Non, faut pas exagérer non plus. Ah, Dieu me savonne, quelle ambiance bouleversante. Oh, les brutes. Et quand je pense, Maurice, que vous ne vouliez pas venir. Oh, Micheline, mais j'ai honte maintenant, j'ai honte au maximum. Allons écraser, voulez-vous ? Alors, Maurice, votre opinion spontanée, je vous prie. Alors là, Micheline, n'ayons pas peur des mots, c'est carrément de l'art. C'est carrément de l'art. C'est carrément de l'art que j'entends le mieux, quoi. Oh, je préfère. Alors, cher monsieur Bern... Oui, ah, c'est un peu ça, hein, le bal des Debs. Mais le bal des Debs, non mais je rêve. Non, quoi. C'est génial. Ah, c'est génial, quoi. Je vous assure d'abord. Alors, l'utilité de ce bal. Ouais, alors même. Allons-y, je vais le faire, défendre. Hein, que... bon. Je le défends très rapidement. Mm. C'est, vous avez 24 jeunes filles venues du monde entier, issues de certaines bonnes familles, pas aristocratiques, hein, des familles des affaires. Enfin, il y en a quand même. Hein, là, il y a la fille de Youssoundour cette année. Il y a, elles ont un nom, oui, elles ont un nom, mais un nom qui veut dire quelque chose. Mais en fait, c'est entier. L'aristocratie que vous avez. C'est la nouvelle aristocratie. Voilà, mais que voilà, vous aimez fréquenter quand même. Cela dit, elles portent des robes de grands couturiers, elles portent les créations de haute joaillerie. C'est au profit d'une fondation caritative. Et au fond, ça défend le luxe français dans le monde entier. Alors, comme j'imaginais que vous seriez d'une telle mauvaise foi, monsieur Bern, j'ai demandé au professeur Mauduit d'approfondir votre dossier. afin de découvrir un peu d'autres failles chez vous. Alors, écoutons les conclusions du professeur Mauduit. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait, pour ainsi dire, obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Très bien, professeur Colin. Alors, vous m'avez donc demandé ce matin de me pencher sur le cas du patient ici présent, Stéphane Bern, l'autoproclamé fou du roi. Alors tout d'abord, comment le qualifier ce Stéphane Bern ? Est-il jovial, lunatique, erratique, excentrique, éthéré, junonien, héroïque ou bien génial ? Eh bien, sans doute rien de tout cela. En revanche, c'est ainsi que Rabelais, dans son Pantagruel, qualifiait le si sympathique Triboulet, le bouffon de Louis XII, puis de François Ier. Alors qui était ce Triboulet ? Eh bien, c'était un fils de paysan. Il avait été recueilli à la cour par le roi au début du XVIe siècle. Il a trouvé rapidement sa place de bouffon Triboulet grâce aux vannes qu'il balançait à la tête des courtisans, toujours protégé par le roi et puis par son beau chapeau à grelots. Ainsi, un jour, l'amiral Philippe Chabot, et rien à voir avec l'admirable Arlette, voulut donner des coups de bâton à Triboulet parce que le bouffon s'était moqué de lui. Alors le roi François Ier, pour protéger son bouffon, menaça de pendaison quiconque le frapperait. C'est étonnant ça d'ailleurs, parce que cette volonté des rois et des puissants de toujours protéger leurs fous contre les outrecuidants qui, je sais pas moi, iraient jusqu'à envahir leur résidence secondaire en Corse par exemple, c'est étonnant. Bon alors, retrouvons-nous chez Stéphane Bern l'esprit du bouffon Triboulet. Ben écoutez, vous savez, chez Stéphane Bern, on trouve surtout l'usage du Triboulet. Cet outil, qu'est-ce que c'est que le Triboulet ? Un outil conique et allongé que les bijoutiers utilisent pour mesurer le diamètre des couronnes et des chevalières armoriées au chaton. Ah. Cela dit, comme ma famille, mes grands-parents étaient artisans, réparer des montres, c'est pas mal. Nous avons travaillé le dossier, Stéphane Bern, énormément. Dans la série des bouffons célèbres, on trouve surtout Yorick. Yorick, le bouffon d'Hamlet. Tout le monde a au moins dans sa vie vu le crâne de Yorick, parce que c'est celui que tient Hamlet quand il se demande « to be or not to be Nathan, évidemment, le représentant de l'ethnopsychiatrie en France. Bon, c'est sûr, si Hamlet avait eu comme bouffon Stéphane Bern... Ah, génial. Eh oui, qu'est-ce qu'il aurait pu s'écrier en regardant le crâne ? Moi, je sais pas. Un truc du genre « diantre, mais que vais-je porter ce soir au bal de la Duchesse ?» Ou alors « avec qui couche maintenant son Altesse Sérénissime ?» Ou bien, peut-être, mais où ai-je pu ranger mon abdo courbette ? L'abdo courbette. Ah oui, professeur. C'est quoi l'abdo courbette ? L'abdo courbette, mais je vous explique. C'est ce nouvel appareil de fitness qui vous apprend à courber les chines. Je sais pas, j'ai pas vu les chiffres, mais j'ai la nette impression qu'il s'en est vendu des tonnes ces derniers temps, des abdos courbettes, tant nos politiques sont devenus des adeptes de la révérence. Et oui, il est un peu naïf de s'étonner que les puissants soient entourés de courtisans aujourd'hui. Ça, c'est écrit dans les gènes des sociétés humaines. Dès qu'il y a le pouvoir, oui. Et oui, quand on a du pouvoir, on aime être courtisé. Mais oui, c'est normal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui à la cour, il y a des Jacques Attali, des Alain Minc, il y a beaucoup, beaucoup de courtisans qui portent à rire, mais qui ne sont pas drôles. Il n'y a surtout aucun bouffon pour titiller le prince. Merci, professeur Mauduit. Que vous a rajouté, monsieur Bern ? Est-ce que vous auriez l'âme d'un courtisan, par ailleurs ? Pas du tout. C'est vrai ? Ah non. J'ai... Pas du tout. Avec l'âge, j'ai les chines beaucoup moins souples. C'est-à-dire que l'abdo courbette, j'ai du mal quand même. Ou alors, vous savez quoi ? Comme je suis un garçon bienveillant, je mets juste les formes. Oui, mais c'est les rhumatismes souvent, ça. Non. Oh, je suis encore trop jeune. Parfait, monsieur Bern. Le professeur Mauduit et moi-même avons scrupuleusement noté toutes vos réponses. Oui. Je pense qu'après cette petite analyse comportementale, nous en savons un peu plus sur votre inquiétante attirance aristocratique. Mais nous devons aller plus loin encore, Stéphane. Encore ? Oui, car le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller votre inconscient, un petit exercice où se mêle pêle-mêle le son des claquettes et des carousels. Au son des claquettes et des carousels de ses amours, je me suis approché d'elle comme un genou. C'était ce chant d'histoire d'après vous, le soupir des anges s'est abattu comme un remous. C'était le Sirocco de Louis, un artiste dans le vent. Explorer l'inconscient, telle est la mission du ministère psychique. Ainsi, après avoir cerné les symptômes schizophréniques du patient, l'équipe du professeur Colin poursuit maintenant son analyse et soumet le patient à la question. Alors, après avoir dressé votre alarmant portrait psychologique, monsieur Bern, nous allons dès à présent entamer une série de tests un peu pervers mais nécessaires afin de sonder votre inconscient. C'est très simple, nous envoyons un extrait sonore et dans la foulée vous nous dites à quoi il vous fait penser. En gros, c'est un test de Rorschach radiophonique concocté par le ministère psychique. C'est un exercice un peu plus compliqué mais adapté à votre cas. Vous êtes prêt, monsieur Bern ? Je suis prêt. Allons-y, voici le premier extrait sonore, monsieur Bern, c'est parti. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Voilà, c'est le premier son. Dites-nous à quoi il vous fait penser, monsieur Bern. On dirait une vache qu'ils sont en train de mettre bas. Je ne sais pas. Mais... C'est pas mal, professeur Mauduit. Je trouve ça extrêmement beau comme analyse, étant donné que, on peut l'avouer, professeur Colin, il s'agit d'un taureau en rut. Dans une étable. Vous n'étiez pas loin. Oui, vous n'étiez pas loin. Hein, pas loin. Juste à côté, mais pas loin. Enchaînons le son suivant. C'est la scie électrique, ça. Mais encore, écoutez bien. Ça fait penser aussi, vous savez, à ces verres qu'on remplit, et puis on, selon, ils sont plus ou moins remplis d'eau, ça fait un son plus ou moins différent. Est-ce que je brûle, là ? Oui, on voit qu'on s'éclate en fin de repas chez la Duchesse. Ouais. On joue avec les verres. Non, c'est pas trop le truc. Ah, c'est pas trop le truc ? Qu'est-ce qui se passe chez la Duchesse en fin de repas ? Je sais pas, moi, je rentre chez moi, mais peut-être qu'il se passe des choses dans sa ruelle. Ah, oui, dans sa ruelle. Vous pensez à la ruelle du lit, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je vois que je parle à des connaisseurs. Oui. On enchaîne. Vous êtes plutôt rouge, impair et passe ou tu montes, chérie ? Alors attendez, parce que oui. Je répète, Stéphane Bern. Je comprenne. Je répète. Le sens, la question. Vous êtes plutôt rouge, impair et passe ou tu montes, chérie ? Non, je suis plutôt rouge. Le visage assez rouge, l'impair, et je passe. Ah oui, d'accord. Je suis pour le petit commerce de proximité, mais je ne suis pas non plus dans la misère sexuelle qui ait besoin de... Notez ça, professeur Mauduit, misère sexuelle. Alors, dites-moi, monsieur Bern, si je vous dis, qu'est-ce qui rouille ? Ce qui rouille, c'est tout ce qui est en fer, en acier. Qu'est-ce qui mouille ? L'eau, les liquides. Qu'est-ce qui patrouille ? La police, les bandes. Qu'est-ce qui gargouille ? Le ventre. Qu'est-ce qui vous gratte ? Les puces. Les puces. Beaucoup de mots en houille ce matin sur Inter. Très bien, voici maintenant le son suivant. Écoutez bien ces paroles de Gilles Deleuze, Stéphane Bern. Oh là. Ils sont au courant de tout. Ils savent l'histoire de l'Italie à la Renaissance. Ils savent la géographie du pôle Nord. Ils savent tout, ils peuvent parler de tout. Quand je vois quelqu'un cultivé, je suis effaré. Je suis effaré, mais j'en vis pas ça du tout. Sur d'une certaine manière, je me dis, la culture, c'est quoi ? Ça consiste beaucoup à parler. Parler, je me dis, de plus en plus parler, c'est un peu sale. Écrire, c'est propre, mais parler, c'est sale. C'est sale parce que c'est faire du charme. Qu'en dites-vous, Stéphane Bern ? Je n'y avais pas songé, mais je trouve ça, cette pensée très puissante. Très bien, on continue, on passe à l'extrait suivant. Première question. Qui a immortalisé... Question sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire ? Maradona. Non, Maradona. Vous n'allez pas vous y mettre non plus. Non, mais je vous parle de la Révolution française. L'époque où on décapitait les nobles. Ah oui. Stéphanie, vous dormez où à Monaco quand vous y allez ? À l'hôtel du... L'hôtel de Paris. À l'hôtel de Paris, oui. Pas au palais. Oh ben non, il n'y a aucune raison que je dorme au palais. Et pourquoi pas ? Ouais, écoutez, je n'ai d'aventure ni avec les unes ni avec les autres. Ah, jamais eu d'aventure. Jamais eu d'aventure. Vous auriez aimé ? Oh non, en même temps, ça, vous savez, c'est disgracieux de ma part de dire oh non, je n'aurais pas aimé. Ah, regardez comment je me récupère. Je viens d'envoyer un petit taquet, mais je me dis merde, hop, et hop, un petit truc derrière. C'est formidable. Le bréviaire des politiciens. Ah, oui. Voilà, le fou du roi, tu parles. Mazarin. Quoi, tu parles ? Mazarin. Et alors, Mazarin, pas mal, Mazarin. Ah, moi, je suis très admiratif de Mazarin. Ouais. Mais il faut dire qu'on est Mazarin, on n'est pas le fou du roi. Comme je me doutais que vous seriez retors, nous allons faire appel désormais à notre infirmier. Appelez l'infirmier, professeur Mauduit. Infirmier, pointez-vous au labo. Infirmier. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais venez par là, infirmier. Nous avons un patient qui est un peu retors, qui est malin et qui refuse un peu d'avouer certaines choses. Alors, nous allons vous le confier quelques minutes. J'ai du travail, professeur. Mais j'ai pas je sais bien, mais vous savez, c'est pas facile en ce moment. Alors, allons-y, je vous le confie, monsieur Bern, voici notre infirmier. Bon, donc nom Bern, prénom Stéphane, ça c'est bon. Votre poids, s'il vous plaît, monsieur Bern. 72, 71. Très bien. Allez, à la douche. Allez, on se déshabille, monsieur Bern. Oui, oui, non, on n'est pas là pour rigoler. Je vous ai dit, j'ai des choses bon à faire. Oui. Dommage. Oui, bah écoutez, on peut peut-être rigoler sous la douche, si vous voulez, mais on passe à la douche. Ah, ben bah, voilà, vous voyez, c'est, tout de suite, c'est quand même, vous n'êtes pas quand même bloqué du corps. Vous arrivez à vous mettre nu assez facilement, c'est bien. Bon, posez vos affaires, là. Alors, vous faites du sport un petit peu, monsieur? Un petit peu, oui. Quel genre de sport, au pratique? De la gym. Ah, du jogging, jamais? Non, non. Non, pas du tout. Bon. Alors, à propos de sport, là, j'ai vu, ça me permet de vous en parler, parce que j'aime beaucoup la famille de Monaco, j'ai vu que Pauline Ducruet, elle participait au championnat du monde de plongeon. La fille de Stéphanie de Monaco, elle a participé au championnat du monde junior à 14 ans. Vous n'avez pas vu ça dans la presse? Non. Oh, me dites donc. Non, mais c'est vrai, j'ai vu ça, ça m'a impressionné. Je me suis dit que ça pouvait être un espoir de médaille pour la principauté, parce que bon, à Pékin, ils n'ont pas eu grand-chose. Hein. Et en bobsleigh, Albert, il a jamais eu. Il vous en a fait faire du bobsleigh, vous avez dit Non. Bon, je ne sais jamais où me situer dans un bobsleigh. Oh, bah, vous vous mettez derrière, vous savez. Et puis vous suivez le mouvement. Ouais. Et vous l'avez eu récemment au téléphone, Albert, ou pas? Parce que vous l'avez appelé pour les fiançailles, pour le féliciter? Écoutez, il m'a juste informé que le mariage n'était pas à l'ordre du jour. Ah, d'accord. Donc finalement, ce qu'on a dit dans la presse, c'était n'importe quoi. Il a démenti, enfin, pas tout à fait démenti. Je pense qu'il va l'épouser, la charmante Charlène, mais pas tout de suite. Allez, on se lave les cheveux, monsieur Bernet. Allez, c'est bien. Bon, pour votre chambre, vous préférez une chambre sur le parc ou sur la cour? C'est pas un hôtel, hein, en même temps. Non, mais vous savez, c'est un bâtiment et vous avez des chambres qui donnent sur le parc ou d'autres qui donnent sur... Alors, c'est plus cher? Non, c'est pas ça, c'est juste pour votre confort. Moi, je veux que vous soyez bien. Est-ce que c'est plus cher? C'est le même prix, de toute façon, vous savez. Alors, c'est sur le parc. C'est pris à 100%. Ah, vous êtes sur le parc. Et à propos de parc, justement, j'ai vu au château de Versailles, là, c'est dans votre journal, Jeff Koons, là, l'artiste. Ah, j'adore. Vous adorez? Ah oui, c'est magnifique. Ah oui, mais c'est bizarre, ce homard qu'il a mis dans la... Bien sûr, mais... C'est absolument magnifique, oui, j'aime bien, Pour le coup, lui, on pourrait dire que c'est le fou du roi, parce que... Je ne sais pas si le roi aurait apprécié ça. Vous voyez, un homard tout rouge comme dans baroque, la gare. Il est aussi baroque que l'était Louis XIV à son époque. Si vous le dites, c'est vous le journaliste. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de ça. Une dernière chose. À l'hôpital, vous souhaitez rencontrer l'aumônier, l'imam, le rabbin ou un libre-penseur? Écoutez, aucun de tout cela, de préférence. Très bien. J'aimerais que ma famille vienne me rendre visite, ça me ferait assez plaisir. Mais alors, toutes les autorités religieuses ou non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, très bien. Bon, écoutez, c'est bien, je crois que... Infirmier! Oui, j'ai fini, je vous rends le... Ramenez le patient, infirmier! Oui, j'arrive. Voilà, professeur... Merci, infirmier. Alors, monsieur Bern, oui. Comment vous sentez-vous après cette douche entre les mains de notre infirmier? Ah non, la douche, je l'ai prise tout seul. Ah bon, c'est parce que on avait la pression. Très bien. Le temps de vous sécher, monsieur Bern, et surtout de vous peigner. Découvrons maintenant un patient chic du ministère psychique, une perle rare. L'existence morne et fadasse de Brouchard, le pâle OS2. Se déroule à Garges les gonasses, loin du luxe des gens heureux. Et quand samedi soir, vers 20h, Brouchard se promène à Paris, il ne voit que des cadres supérieurs, bronzés et buvant du whisky. Et ben ça, ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine sa dignité. Ça fait mal à l'ouvrier. Dans le port souillé de bandoles, clapote misérablement. Dans sa chambre à air, Anatole, humble tâcheron dans le bâtiment. Soudain, dans un bruit de tonnerre, le hors-bord d'un fier PDG, estourbi d'un paquet de mer, ce pauvre homme en congé payé. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine. Ça fait mal à l'ouvrier, ça y piétine vraiment sa dignité. Ben ça fait mal à l'ouvrier. ça fait mal à l'ouvrier. C'était Pierre Desproges, maître de l'analyse de l'âme humaine. Chacun peut un jour ou l'autre devenir un cas psychiatrique, basculer, car l'état d'équilibre, quand il existe, est fragile. La frontière, arbitraire. On le dira probablement tout à l'heure. Oui, monsieur Bern, comme nous le dit Jean-Pierre Elkabbach à l'instant, chacun peut un jour ou l'autre devenir un cas psychiatrique. Voyez-vous, vous êtes aujourd'hui un jeune homme très souriant et fort accommodant, mais d'après nos tests, certains aspects de votre personnalité restent à éclaircir. C'est pourquoi nous allons approfondir notre évaluation psychologique pour nous aider à faire ressurgir votre moi le plus profond. Ne voyez aucune malice à nos questions et répondez-y franchement le plus naturellement possible, on gagnera du temps. Allons-y, monsieur Bern. Pour commencer, vous aimez le bling-bling des aristos, les grandes fêtes pompeuses... Mais non, c'est tout le contraire, ils n'ont aucun bling-bling. Mais si, c'est les nouveaux riches qui ont du bling-bling. Oui, mais l'aristocratie, vous fréquentez au bal des débutantes, par exemple. Ils n'ont pas de bling-bling, arrêtez. Mais si, malgré tout, les cérémonies fastueuses, disais-je. Ça oui. Et les regroupements de sangbleus. Pourtant, ils ont des mœurs bizarres, ces gens-là. Tenez, quel plaisir prenez-vous à participer à une chasse à cour ? Aucun. Vous n'aimez pas la chasse à cour ? Ah non, je déteste la chasse. Je n'ai jamais tué aucun animal, enfin, à part un moustique. Ah, et pourtant, la chasse à cour, c'est la vie au grand air et la proximité des animaux. Chien courant ou alors étalon. On peut dire que le cheval est plus attachant que le chien. Non, le cheval est plus froid. Mais attention, quand je dis froid, je ne veux pas dire non plus que... Parce que vous allez peut-être me dire que c'est un cliché, mais le cheval, quand nous lui montons sur le dos, est-ce que nous lui demandons son avis, nous, les humains ? Non. Voyez-vous, Charlotte, sans l'amitié des bêtes, certains soirs, vous l'avinez. Ah, j'ai horreur de l'attendrissement, je ne vais pas. Vient d'où votre costume ? Eh oui, Stéphane Bern, ils viennent d'où vos costumes ? D'un bon faiseur, en général. C'est-à-dire ? J'ai fait faire chez Dormeuil ou... Chez Dorcel ? Dormeuil. Ah, pardon, non, Dorcel, j'ai compris. Dorcel, c'est le porno. Ah bon, ah oui, mais c'est bien ce qui me semble. Eh, il connaît, oui. Hein, tout de suite. Hein, c'est... Bon, ouais. N'essayez pas de nous étourdir avec vos histoires de costumes. Nous c'est vous qui va embarquer. Arrêtez, enfin. Vous êtes parti dans une tourderie, là. Nous parlions des animaux, monsieur Bern. Oui, je préfère les chiens aux chevaux. Ah, ainsi donc, vous aimez les chiens, qui ont une place importante dans votre vie. Énorme, énorme. Et aux auditeurs qui nous reprocheraient de parler de votre amour des clébards sur France Inter, car on s'en fout un peu. Et des chiens hein. Allemands, en plus. Eh bien, nous venons à rappeler qu'en décembre 2007, Stéphane Bern a fait la une de Doggy Mag. Oui, oui. Doggy Mag, la revue des petits chiens, où vous avez délivré un message... Des petits animateurs et des petits chiens. Où vous avez délivré un message très émouvant. Mon vieux pâteau, toi qui es qu'une bête, t'es bien meilleur que certaines gens. T'as pas de sous de malice en tête, quand tu veux mordre, on voit tes dents. Tandis que les hommes, bêtes à deux pattes, sous des sourires cachant leur croc. À l'instant même où ça vous flatte, ça vous mangerait cœur et boyau. Personne nous de pâteau n'a pu nous humilier. Moi je n'ai jamais eu de mal. Et toi, t'as pas de collier. Alors, Stéphane Bern, réagissez, ne restez pas pâteau, que diable. Oh, j'adore. Non, mais on savait chanter à l'époque. Bref. Vous avez reconnu la voix ou pas ? Non. Bert Silva, me semble-t-il. Ah, formidable, formidable. Bon. Alors, non, les chiens, les Stéphane chiens, Bern. Oui, j'ai deux chiens allemands, des Teckels. Les Teckels. Dachshund. Deux teckels, une qui est aveugle, qui s'appelle Virgule, eh ben. Et un jeune qui a 6 mois maintenant et qui s'appelle Dash. Dash ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dash, ça veut dire tiret en anglais, mm-hmm. Parce qu'après virgule, nous avons tiret, c'est l'année des dés. Donc, si je résume, vous pensez qu'avoir un chien chez soi, c'est important dans son environnement. Pour moi. Voilà. Remarquez, nous savions déjà que vous étiez un spécialiste de l'environnement intérieur, de l'aménagement intérieur. Nous vous proposons maintenant le kit Cozy. Le kit Cozy est indispensable à tout moment afin de recréer, quel que soit l'endroit, un coin Cozy. Vous êtes sur l'autoroute et vous avez besoin de faire une pause détente, Stéphane. Eh bien, voici donc la solution. Le kit Cozy qui recréera en 2 minutes un cadre cozy, comme à la maison, pour vous permettre de goûter un repos bien mérité avant de reprendre le volant de votre limousine. Et en supplément gratuit, le Labrador en PVC thermomoulé. Ainsi, grâce au kit Cozy, vous serez toujours à l'aise, même chez les pauvres. Alors, Stéphane Bern. C'était un extrait du film Les Aristos de, oui, de Charlotte oui. de Turckheim, voilà, où j'avais fait un caméo avec Catherine un Jacob. Caméo. Et vous aimez donc ces gentilles ambiances cozy. Mais non, vous êtes du genre c'est le scénario. Hey, c'est votre voix, l'auditeur entend. Ouais. Arrêtez. Donc, vous aimez ces petites ambiances du genre petit thé chez la duchesse, oui. gros brunch chez la comtesse ou surtout ouais. after déjanté chez le baron. Non, au baron, on dit. Ah, vous connaissez, hein. Alors, on connaît le baron. Il faudrait peut-être expliquer à nos auditeurs, parce que moi, boîte, je suis complètement perdu. Oh, non. Expliquez, Stéphane Bern, ce qu'est le baron au professeur Mauduit. C'est une boîte de nuit parisienne, voilà, où il y a toutes sortes de DJ qui viennent mettre le feu toutes les nuits. Alors, après toutes ces pérégrinations psychiques, résumons, monsieur Bern. Résumons, ouais. Ce que nous venons d'apprendre à votre popo. Primo, vous adorez les kleps, à tout autre animal, oui. surtout les pépères à sa mémère. Ensuite, vous nous dites ce qui vous fait triper, bon. C'est quand même les tea parties avec des fins de race, genre sauterie chez la duchesse. Mais vous vous rendez compte, Stéphane, ce que vous êtes en train de nous dire. Vous saisissez ce que votre inconscient nous révèle. Vous rendez-vous compte que votre perversion à vouloir joindre vos deux passions pourrait vous conduire à des situations intenables en plein tea time. Mais voici qu'en plein tea time, vous surprenez avec effroi le manège de Bobby, votre petit fox terrier qui arpente le salon la truffe aux aguets. Et sans vous laisser le temps de réagir, voici que la pauvre bête se met à aller et venir frénétiquement sur la cuisse odoriférante de Dame Janson. La situation là est un peu limite. Non, il faut dire, c'est un fox anglais, a present of the Queen Mother. He made déjà ça when he was in the Buckingham Palace. Impressionné à l'idée des royales jambes qu'a déjà souillé l'animal, Lady Janson s'estimera flattée par l'hommage liquide et tiède de votre chien Bobby. En vous remerciant, bonsoir. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Bern? J'adore. Une inspiration pour l'avenir, peut-être. Vous savez, il y avait à Canal Plus un jour, il y a eu un des sketchs des Guignols où on me voyait en train de. C'est autant où vivait le prince régné. On me caricaturait déjà. Ah oui, je m'en souviens, effectivement. Je me frottais souviens. On me figurait en chien qui se frottait sur la jambe. Vous ne l'avez jamais fait. Jamais. Alors, avant de passer à notre diagnostic et notre sentence finale, nous aimerions tout de même vous faire un petit cadeau. C'est gentil. Parce que, figurez-vous, monsieur Bern, qu'un de nos pensionnaires à vie trépané deux fois, que nous appelons ici l'oncorchétif, vous offre ce petit présent. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien Stéphane. Tu es fan de la noblesse. Tu n'as pas tort. Quand quelque part il y en a un de trop, c'est toujours le prince qu'on sort. Toi Stéphane, tu es l'Aristophane. Ha ! Aristophane ! C'est pour ça d'ailleurs que tu aimes la Grèce. Ça tombe bien, moi j'aime bien le vélo. En Grèce, il y a plein de pistes cyclades. Andros, Mykonos, Paros, Athos, Portos, Aramis. Stéphane, tu es le mousquetaire du savoir-vivre. Faut se tenir droit quand on est invité. Faut pas se mettre le doigt dans le nez. Faut pas à sa voisine lui taper sur la croupe. Faut pas non plus cracher dans la soupe. Ah Stéphane, début janvier, viens me voir. Tu mangeras de la galette, des rois, avec César, Marius et Pifani. Ah non, les filles, c'est un autre réfectoire. Bon, allez, je m'en vais. Je ferme mon clapet, comme ton copain Hugues. Hugues, clapet. Oui, capet, je sais. Tiens, au fait, c'est qui capet? T'es trop con. Merci, l'oncorchétif. Alors, Stéphane. C'est drôle, ça. Est-ce que vous pourriez partager votre cellule capitonnée avec l'oncorchétif? Ah oui, j'adore. Vous êtes pervers. Mais pourquoi vous trouvez ça pervers? Oh, c'est comme un grand malade. Oui, mais on est tous des grands malades, regardez-vous. Ah, ça y est, nous y venons. On est tous des grands malades. Nous y venons. Si on fait ce métier, c'est que. on a des choses à dire, on a des choses à cacher, on a des choses à régler avec son inconscient. Oui, c'est très bien tout ça. Passons dès à présent au diagnostic. Ah, vous voulez pas qu'on parle de vous? Mais il est complètement fou ce mec. Mais moi les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Après nos pérégrinations psychologiques, il est l'heure, Monsieur Bern, de vous confronter au redoutable diagnostic différentiel de votre personnalité. Bon, vous l'avez bien compris, Stéphane, pour nous, vous êtes gravement atteint. Après son analyse, voici la sentence du ministère psychique. Comme nous le soupçonnions, votre architecture mentale, sous votre camouflage d'amuseur public, constitue un authentique danger pour notre société. Machiavélique pervers, vous avez développé un mimétisme mazarinesque redoutable. Vous semblez être inoffensif, mais tout comme le cardinal, vous êtes devenu un expert en flatterie des puissants tout en manipulant les failles de l'esprit humain. C'est pourquoi, afin de vous éviter la camisole, vous avez maintenant quelques instants pour vous lancer dans une autocritique. Le ministère psychique vous écoute, Monsieur Bern. J'ai eu raison, je crois, de défendre avec conviction les choses auxquelles je crois, tout en étant un révolutionnaire dans mon... Oui, je dis rien, je vous écoute. Bah, vous faites la moue. Vous faites je vous la écoute, moue, je fais la moue, je fais la moue, je vous écoute. Et dans le même temps, j'aime bien m'entourer de gens qui vont bien bandrier le client, vous voyez, ou les puissants. Donc voilà, très bien. J'ai pas le sentiment de flagorner, j'ai pas le sentiment de flatter qui que ce soit. Très bien, monsieur Bern, vous échappez à la cellule capitonnée du ministère psychique. Néanmoins, nous vous prescrivons un petit traitement, car voyez-vous, monsieur Bern, il est impératif de vous réconcilier avec notre réalité. Le ministère psychique vous recommande de prendre garde à vos dérives schizophréniques, car voici notre prescription, cher monsieur. Restez calme, tout va très bien se passer, Stéphane. Une petite dose au lever. Et une grosse dose au coucher. Oui, je suis sans culotte, moi. Oui, je suis sans culotte, moi. En dépit des amis du roi. En dépit des amis du roi. Vive les Marseillais, les Bretons et nos lois. Dansons la carnagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carnagnole, vive le son, vive l'amour. Alors, que dites-vous d'une petite carmagnole, monsieur Bern? Ouais, écoutez, voilà, c'est vrai que ça... Pas de mépris, hein. Non, j'ai aucun mépris pour les révolutionnaires. Non, il y a eu de très bonnes choses dans la Révolution française. Ça s'est gâté à partir de 1792, mais 89-92, c'est une période qui utile pour l'évolution de la démocratie bien, en France. C'est bien, vous progressez. Vous êtes libre de regagner le monde extérieur. Ah bah je leur en veux quand même d'avoir tué le roi. Hein, ça, bon, on va refaire une seconde émission. Non. Mais nous ne manquerons pas de surveiller dès lundi matin, d'ailleurs. Et la pauvre reine qu'ils ont assassinée sauvagement. Et le pauvre dauphin, oui. Louis XVII. Non, bah vous y pensez aussi. Oui, on y pense, on y pense. Bon, mais... alors vous, je vais vous faire une ordonnance. Nous allons surveiller, monsieur Bern, dès lundi matin à 11h sur Inter, l'effet de notre traitement. Oui. Monsieur Bern, sinon, nous vous internons immédiatement. Est-ce que je peux prendre la marotte? Il y a une marotte là à côté de moi. Allez-y, prenez-la. Yeah. À bientôt, yeah. Monsieur Bern. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la quatrième consultation du ministère psychique. Nous vous remercions grandement, Stéphane Bern. Mais c'est vous être que je remercie, prêté... cher docteur. Bah, merci beaucoup à cet exubérant exercice. Nous vous retrouvons dès lundi matin en direct sur France Inter à 11h pour Votre Fou du Roi. Merci beaucoup, monsieur Bern. Xavier Mauduit, notre co-auteur, et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes. Merci beaucoup, Marco, assisté aujourd'hui à la technique d'Alain Gadan. Merci, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaugelé, Thierry Dupin, Olivier Lefayère, Hervé Pochon et Julien Dugast, ainsi que les documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez télécharger l'émission dans quelques instants